Que diable est-ce là? Ils n'ont rien que les grands seigneurs à me reprocher, et moi je ne vois rien de si beau que de hanter les grands seigneurs. Il n'y a qu'honneur et que civilité avec eux, et je voudrais qu'ils m'eût coûté deux doigts de la main et être né comte ou marquis. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame qu'il mène par la main. Eh mon Dieu, j'ai quelques ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure.